السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله، on vient de faire ce qu'on appelle khutbat al-haja. Et parmi les versets cités, on a dit ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant muslim, c'est-à-dire soumis. Étant donné que là, on s'exprime à des francophones, on va d'abord donner la définition qu'est-ce que l'islam. Parce que plein de gens parlent de l'islam, ils disent que ça vient du mot salam qui veut dire paix, qui veut dire salut, ce qui s'ensuit. Donc dans des définitions qui sont comme ça, qui sont enjolivées, mais qui en réalité ne reviennent pas au sens originel de cette religion. Donc la religion, l'islam, il y a deux sens. Il y a le sens qui est général, et le sens qui est particulier, spécifique à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam âme, celui par lequel tous les prophètes sont venus, c'est « Al-istislamu lillah bit-tawhid, wa l'inqiyada lahu bit-ta'ah, wa al-bara'atu min al-shirk wa ahlihi. » Comme l'ont défini les ulama en disant que c'est la soumission. Donc ça vient de soumission, et non pas paix. L'istislam, c'est la soumission à Allah. Par le tawhid, on se soumet en unifiant Allah Azawajal dans ce qui est spécifique. Uluhiya, Rububiya, Wasma Sifat. Et c'est l'assujettissement. Un qiyad, c'est comme être assujetti, c'est-à-dire être dominé, être contrôlé par quelque chose, totalement. Donc on est assujetti par son obéissance. Ce que Allah veut, on doit le faire. Ce que Allah ne veut pas qu'on fasse, on doit le délaisser. À la base, sans discuter. À la base. Ou à se désavouer du shirk et des gens du shirk. Donc, on a dit l'islam qui est traduit par soumission. Maintenant, en français, dans la langue française, la langue de Molière, comme ils aiment dire, c'est quoi soumission ? Dans le dictionnaire, vous allez voir, dans le dictionnaire, j'en ai pris un, c'était le Robert. Il y a écrit « action de mettre ou fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité ». À la base, ils ont écrit « contre laquelle on a lutté », mais bon. Ça ne nous intéresse pas cette partie-là. Et ils disent « privation d'indépendance qui en résulte ». Ça veut dire que tu n'es pas indépendant. Tu te prives de ton indépendance. Tu es soumis. Et ils citent parmi les antonymes, c'est-à-dire le contraire de soumission, ils disent « autonomie, insurrection, liberté, mutinerie, rébellion, révolte, révolution ». C'est un. Il donne comme définition exactement également de soumission, acceptation d'une autorité, bon là ils disent intellectuelle ou morale, parce que là eux ils parlent par rapport à la créature, donc nous on va dire religieuse, divine, soumission aux lois, c'est-à-dire sharia. Parmi les synonymes maintenant de la soumission, on a acceptation, assujettissement, asservissement, docilité, obéissance, résignation, souplesse. Et il cite d'autres antonymes, d'autres contraires, comme opposition, résistance, transgression, violation, désobéissance, indocilité, insoumission. Et la liste peut être longue encore. Donc ces mots-là ne s'adaptent pas avec l'islam. Abadan. Hada awalan al-islam al-am. Donc c'est là c'est l'islam par lequel tous les prophètes sont venus. Ensuite, on a l'islam qui est khas, celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été défini par le hadith de Jibril. Lorsqu'il a dit Jibril, ya Mohammed, akhbirni an islam. Ô Mohammed, informe-moi de l'islam. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, an tashhad an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah, wa tuqim as-salat, wa tuti az-zakat, wa tasum ramadan, wa tahujj al-bayt, in istata'ta ilayhi sabila. Il a dit, c'est que tu fasses les deux attestations de la ilaha illallah et de Muhammad rasulullah, que tu accomplisses la salat obligatoire, tu t'acquittes de la zakat et tu sommes, tu fasses le siyam de ramadan et que tu fasses le hajj. Tu fasses le hajj quand tu peux. Donc, cet islam, en réalité, c'est une chose, on n'a pas le choix. Le mukallaf n'a pas le choix. Il doit se soumettre. L'humain ou le djinn ne peut que être muslim. Comme a dit Ta'ala, inna ad-din 'indallah al-islam. Que certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui recherche une autre religion que celle de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et sera dans l'au-delà du nombre des perdants. أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Est-ce donc une autre religion que celle d'Allah qu'il recherche, alors qu'à lui s'est soumis ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, de gré ou de force, et c'est vers lui qu'ils reviendront. وَقَالَ تَعَالَى أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Dans le sens où Allah dit, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre. À l'instar du soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il n'a pas dit les gens, il a dit beaucoup de gens. Et il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilie n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Allah Azawajal fait ce qu'il veut. Ce sont des gens de versets qu'on doit mettre devant nos yeux. Allah, il fait ce qu'il veut. En tafsir de ce verset, Ibn Kathir, il dit « يُرْبِرُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَلْمُسْتَحِقْ لِلْعِبَادَ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِعَظَمَتِهِ كُلُّ شَيْءٍ تَوْعًا وَكَرَهًا وَسُجُودُ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَصُ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ذِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Il a dit, Ibn Kathir, que Allah informe qu'il est celui qui mérite l'adoration seul, sans associé. Et que pour lui, pour glorifier sa grandeur, tout ce qu'il y a, toute chose se prosterne, de gré ou de force. Et de force, cela ne concerne que les mukallafoun. Un degré, c'est tout le reste. Et chacun se prosterne comme cela lui est propre. La prosternation de chaque créature en fonction de ce qui lui est propre. Dans le sens où Allah a dit, n'as-tu pas vu, n'ont-ils pas vu que les ombres de toutes choses que Allah a créées s'allongent à droite et à gauche en se prosternant devant Allah en toute humilité. Donc regardez, les choses que l'on voit autour de nous, elles ne sont pas anodines. Elles ont une raison d'être. Cependant, nous, on ne le sait pas forcément. Les ombres qui s'allongent, c'est un sujoud lillah azawajal, de toutes choses. Et parmi les créatures, comme il dit dans le verset, Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard, il dit Ibn Kathir, dans parmi ceux qui se prosternent pour Allah dans les cieux et dans la terre, il y a les malaïka, dans toute part du ciel. Et il y a sur terre les animaux, les êtres vivants. Parmi eux, les hommes, les djinns, et les bestiaux, les oiseaux, ce qui s'ensuit. Et parmi ces créatures-là, les seuls qui sont mukallafoun, c'est les humains et les djinns. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب هذه الشمس قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنا تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر ويوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت. إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر ستو أو سيغون لو سولي. Parce que le soleil, vous voyez, il se déplace. Et c'est le soleil qui se déplace. Ce n'est pas la terre, c'est le soleil qui se déplace autour de la terre. Donc Abu Dhar, il a dit, Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, le soleil s'en va pour se prosterner sous le arsh, sous le trône d'Allah Azzawajal. Et de là, il reçoit les ordres, c'est-à-dire de repartir. Et le soleil est sous le point de recevoir l'ordre de repartir de là où il est venu. Ça veut dire de se lever de son couchant. Et ça, c'est le signe final de la fin des temps, celui après lequel plus de Tawbah ne sera accepté. Donc en fait, chaque jour où le soleil tourne, il se prosterne sur le trône et Allah Azzawajal lui donne l'ordre de continuer son cycle. Jusqu'au jour où Allah donnera l'ordre au soleil de repartir de là où il est venu. Et il a dit Abu al-Aliyah, toujours dans le tafsir de ce verset, « Ma fi sama najmun wa la shamsun wa la qamarun » إلا يقع لله ساجدان حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيؤخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. Il a dit qu'il n'y a pas dans les cieux d'étoiles, ni de soleil, ni de lune, sans qu'il ne se prosterne pour Allah au moment où il disparaît, c'est-à-dire au moment où on ne le voit pas nous. Et qu'il ne repart pas de son sujoud, si ce n'est qu'après qu'on lui ait donné l'autorisation. Donc toute chose, même si on ne le conçoit pas, se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, dans le verset, c'est qui pose problème? Il a dit وَكَثِيرْ مِنَ النَّاسِ, beaucoup des gens, وَكَثِيرْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ, et que beaucoup méritent le châtiment, et que celui que Allah avélie n'a personne pour le noyer. Bon, le verset lui-même est clair. On va dire, ça parle des koufars. On dit, ça parle des koufars. Mais, moi, c'est pas des koufars que je parlais là avec vous. Moi, je vise avec vous des gens affiliés à l'islam. Car l'abandon de la soumission de l'âme, parce que le corps, il est soumis. Le corps, il est soumis. Personne ne contrôle son corps. Dis à ton corps, à ton sang d'arrêter de circuler dans tes veines, tu ne pourras pas. Dis à ton nez d'arrêter de respirer, tu ne pourras pas. Dis à ton cœur d'arrêter de battre, tu ne pourras pas. Ton corps, tu ne le maîtrises pas. Les gens disent, je maîtrise mon corps, tu ne maîtrises rien du tout. Rien du tout. Empêche tes yeux de cligner pendant plus de 10 minutes, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas. Empêche tes cheveux de pousser, tu ne peux pas. Empêche tes ongles de pousser, tu ne peux pas. Empêche tes yeux, tes cheveux de blanchir, tu ne peux pas. Tu ne contrôles pas ton corps obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Accepte cela. Tu ne veux pas, bois la mer, ça ne changera rien pour nous. Donc on dit que l'abandon de la soumission de l'âme est de différents degrés. Il y a celui qui est total, et ça c'est celui des koufars. Eux, c'est l'abandon de l'âme, c'est-à-dire qu'ils ne refusent que leur âme se soumette à Allah, c'est-à-dire d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a celui qui est indirect et camouflé, comme celui des munafiqoun, qui eux font apparaître la soumission, mais qui renferme eux la mécréance. Et vous avez également une autre forme de rejet de soumission qui est partielle, comme celui des gens de la bid'a, ou des foussaqs, des pervers, et celui des gens des passions. Et parmi eux, on a ces gens de la dette de l'islam d'intérim, l'islam des mercenaires, ou le muslim à gage. Ça veut dire, j'agis pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est autre que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui disent, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui disent croire aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, ainsi qu'au qadar, qu'ils soient bons ou mauvais. Et même, c'est des gens qui accomplissent ces 5 salawat. D'accord ? Ceux dont la bouche prononce ce que leur cœur et acte contredisent. Comme les a décrits le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Ibn Omar, qu'il a dit « Sa'ada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbar, fanada bi sautin rafi' ou rafi' faqal ya ma'char man aslama bilisanihi wa lam yufdi al-iman ila qalbihi la tu'zul muslimin. » Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Et il a dit, en levant la voix, « Ô vous, ceux qui se sont soumis par la langue, mais dont la foi n'a pas pénétré le cœur, ne nuisez pas aux muslimines. » Il s'adresse à qui? À des gens qui ont une apparence contraire à leur intérieur. Parce que, en fait, tu as des gens, ils veulent un islam, comme on va te faire un costume sur mesure, par rapport à leur corps, leur taille, leur corpulence, ils veulent un islam sur mesure, d'accord, par rapport à leurs envies. Un islam de connivence, un islam adapté aux besoins et aux attentes personnelles. Donc en fait, ils ne sont pas soumis, mais sont en concession, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, si l'islam me donne, moi je donne à l'islam. Tu vois, si l'islam me donne, telle chose, alors je donne l'islam. Et ainsi de suite. Et ça, c'est un phénomène récurrent en cette époque de ces personnes qui rentrent en religion, par exemple, c'est des koufars, donc ils se convertissent. Ou d'autres qui sont de base musulmans et qui disent se repentir. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur illa? C'est quoi leur truc? Je recherche le bien-être. Je veux me sentir bien. Je veux être aimé de tous. Je veux vivre le grand amour. Je veux la réussite professionnelle. Je veux l'épanouissement spirituel. Comme ça, ils ont des objectifs. On va demander à cette personne-là, ce genre de personne, mais en vrai, qui est-ce qui ne veut pas se sentir bien? Qui ne veut pas se sentir bien? Ça existe? Je ne crois pas que ça existe. Tout le monde le souhaite. Tout comme tout le monde aimerait être dans les aisances financières. Personne n'aime être pauvre. Tout le monde aime être en bonne santé. Personne n'aime être malade. Tout le monde aimerait avoir de beaux enfants. Bon, en général, les gens ne veulent pas d'enfants, c'est vrai. Mais c'est des, ils ne sont pas à prendre en compte. Tout le monde voudrait la vie de couple idéale. Tout le monde voudrait connaître l'amour intense. Trouver l'homme ou la femme idéale. Tout le monde, de base. Mais les questions qui se posent, on va dire à ces gens-là. Premièrement, est-ce que Allah Azawajal t'a promis tout ça en échange d'un suivi du dîn? Est-ce que tu as signé un contrat à Allah Azawajal dans lequel il s'engage à te laisser ces choses-là si toi tu lui obéis? Car les promesses, car Allah il a fait des promesses dans son livre, d'accord? Mais est-ce que le résultat de ces promesses est tel que chacun le conçoit à travers ses attentes et visions personnelles? D'abord, on doit se rappeler une chose. Ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyu al-hamid. Ô vous, les gens, vous êtes les indigents, les gens dans le besoin, les pauvres, besoin d'Allah Azawajal. Et Allah, il est le riche, celui qui se dispense de tout, il est le digne de louange. Et s'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Et que cela n'est pas dur pour Allah Azawajal. On a dans le hadith de Abu Dhar, radiallahu anhu, dans le hadith Qudsi, dans lequel Allah Azawajal dit Ya ibadi, kullukum dhallun ila man hadaytu, fastahduni ahdikum. Ô vous, mes serviteurs, vous êtes tous égarés, hormis celui que j'aurai guidé. Demandez-moi de vous guider et je le ferai. Ya ibadi, kullukum ja'i' ila man at'amtu, fastat'imuni ut'ibkum. Ô vous, mes serviteurs, vous êtes tous affamés, hormis celui que j'aurai nourri. Demandez-moi de vous nourrir, je le ferai. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasawtu, fastaksuni oksikum, waksukum. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous nus, dénudés. Demandez-moi de vous revêtir et je le ferai. Ya ibadi, innakum turti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ô mes serviteurs, vous fautez de nuit comme de jour. Et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ô mes serviteurs, vous ne saurez me nuire en quoi que ce soit, ni me profiter en quoi que ce soit. Adam bin Fadl Azza wa Jalla al-ibadi. Il nous a bien rappelé les choses clairement et dans plein de versets. Il faut se rappeler cela. Car tu as des gens, quand tu leur fais le rappel sur leur manquement religieux, parmi les wajibat, ça ose te rétorquer, non mais déjà je fais salat, non mais déjà je porte le voile, non mais déjà je fais ramadan, genre, m'en demandez pas trop quoi en fait. Il y a mounoun alayka an aslamo, kullata mounou alay islamakum, belillah, ya mounou alaykum an hadakum. Dans le Coran, il dit, dans le sens, il dit, lil iman in kuntum sadiqin. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part, en fait. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé, vous, en vous dirigeant vers la foi. Si toutefois vous êtes véridique. Donc, se rappeler que Allah ne nous doit rien, mais nous lui devons tout. Et que notre obéissance ou rébellion ne les profite en rien, ne le nuise en rien. Toujours dans le hadith de Abu Dhar, qu'on vient de lire, et la suite, c'est dans Allah, il dit Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. Il a dit, ô vous, mes serviteurs, des premiers au dernier, c'est-à-dire du premier homme Adam jusqu'au dernier des hommes, parmi les humains et les djinns, si vous étiez tous, tous réunis avec le cœur de la pire des personnes, c'est-à-dire vous étiez les pires des créatures, c'est tous des Pharaons par exemple, que cela ne réduirait en rien de mon royaume. En rien. Vous étiez tous des Pharaons. D'accord ? Tous sur terre, ça ne va rien retirer à mon royaume. Il a dit, Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. Et pareil, il a dit, si vous étiez tous réunis, du premier au dernier, humains et djinns, sur le cœur des meilleurs des hommes, c'est-à-dire vous étiez tous Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur terre, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Subhanallah. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire après cela. Pourtant, il y a des gens qui parlent. Donc, se rappeler que tout ce que l'on fait, c'est pour nous-mêmes en réalité. In arsantum. Arsantum l'infusikum. Ou in asantum falaha. Si vous faites le bien, vous ne le faites qu'à vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites à vos dépens. Imagine-toi quelqu'un, il a une maison. Il a une maison. Et il entretient sa maison. Il fait les murs, il fait de la peinture, il met des meubles, d'accord, il met des lustres. Il décore sa maison. Il aménage. Cela profite à qui ? À son voisin ? Aux gens à l'autre côté de la rue ? Ça lui profite à lui, c'est lui qui habite dans la maison. C'est pour lui qu'il fait ça. Et lorsqu'il est en colère, tu le vois, il pète un plomb, il casse tout dans la maison. Il casse tout, il détruit tout. D'accord ? On dit, tu t'as nu à qui en faisant ça là ? À ton voisin ? Aux gens dans la rue ? Tu ne t'es nu qu'à toi-même, c'est ta maison, c'est toi qui vis dedans. C'était bien que t'as cassé là. Tu ne t'es fait du mal qu'à toi-même. Et t'as gagné quoi au final ? Tu te sens mieux après avoir tout cassé ? Ah, tu pleures, tu te mords les doigts parce qu'il faut tout racheter, tout refaire. T'as rien gagné. Eh ben, nous, on est comme ça. Nous, on est comme ça avec nous-mêmes. Une image à l'échelle humaine. Comme encore le Ta'ala, « Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun » Ils ne nous ont pas causé de tort, mais sont causés de tort à eux-mêmes. Donc tu vois, comme on disait, ces gens rentrent dans le din, comme en fait, comme c'était une philosophie, une option, une source de bien-être et non un devoir individuel dont il en découle récompense ou châtiment, c'est-à-dire Jannah ou Nar, après la mort. C'est une philosophie, c'est une falsafa. Vous voyez ? C'est-à-dire ces gens-là ne se sentent pas égarés dans le besoin de la guide d'Allah, Azzawajal. Ne se sentent pas nus dans le besoin d'être revêtus par Allah, Azzawajal. Ne se sentent pas affamés dans le besoin d'être nourris par Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu as l'impression qu'ils choisissent l'islam comme certains vont aller faire du yoga. Ou d'autres, ils vont faire des voyages. Ou d'autres, des séances de massage. Ou d'autres, un autre délire, des bains d'eau, des bains glacés. Voilà. En fait, c'est un choix. D'accord ? C'est optionnel. Ça veut dire, ils ne réalisent pas qu'ils ont été créés pour adorer leur Seigneur. Mais qu'en fait, vivre, c'est un droit. C'est un droit, ils ont le droit de vivre et le droit d'avoir le bonheur. C'est mon droit, d'après eux. Donc le problème, c'est que lorsque ces gens-là ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, comme on dit, eh bien, ils arrêtent tout, en fait. Ah, c'est comme ça, bah j'arrête. Ils vont dire, j'ai essayé la religion, mais ça ne m'a rien apporté. Je ne me suis pas senti mieux. Ce n'est pas pour moi. Ça m'a coupé du monde. Ça m'a fait perdre ma famille, mes amis, mon travail. En gros, ce n'était pas à leur goût. Ou pire encore, ceux qui prétendent avoir été révoltés et déçus par le comportement des musulmans, puis se mettent à les critiquer. Genre, en fait, c'est à cause des musulmans que j'aime pas l'islam. Subhanallah. Les musulmans m'ont déçu. Mais c'est le musulman qui te rentre au Jannah ou qui va te châtier au Melkiyama, c'est qui ? C'est le musulman qui te nourrit ? C'est le musulman qui t'a créé ? Faut le rappeler ça aux gens. Que l'islam, c'est pas pour les musulmans qu'on se convertit. On ne doit rien aux gens, de façon générale, à part à certains comme les parents ou les gens qui ont un droit sur nous. Mais ce droit-là, on le rend par quoi ? Par l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on leur dit à ces gens-là que se sentir bien, ce n'est pas l'objectif de la religion. On n'a pas été créé pour se sentir bien. Du moins, un bien-être comme eux le conçoivent. Car je précise qu'en réalité, le croyant se sent bien. Le croyant se sent bien, avec un cœur apaisé. Avec la peur en lui, l'espoir en lui, mais un cœur apaisé, car il est en harmonie avec le monde, avec la création. Mais on dit que ce bien-être, en fait, ce serait une bonne conséquence d'un suivi correct du dîn et non l'aboutissement ni le but. C'est une chose dont Allah va te gratifier. Mais ce n'est pas le but de l'islam en soi. C'est comme quelqu'un te dit ne vouloir manger que pour être rassasié ou exalter ses papilles gustatives. On dit non. Manger de base, c'est un moyen pour te permettre de rester en vie. Ton corps en a besoin. Si tu ne manges pas, tu meurs. De base, on ne mange pas par plaisir, mais par besoin. Même si c'est pas bon, même si on n'est pas rassasié, crois-moi, wallah, que si jamais t'es affamé, vraiment, tu manges tout. Tout le monde a connu cette grande faim. On te met même un plat que t'aimes pas. T'as pas mangé depuis plusieurs jours, t'es affamé, tu vas le manger le plat, tu vas le dévorer le plat. Même si t'aimes pas ça de base. Un plat que tu détestes, ce jour-là, tu vas le manger, peut-être même tu veux dire j'en veux encore. Ou pire encore, tu es sur le point de mourir. Tu serais prêt à manger tout ce qui s'avale, même ce qui n'est pas comestible de base. Les pires choses qui te feraient vomir dans un état de rassasiement, si on dit comme ça, tu le mangerais. Tu mangerais de l'être humain. Tu deviendrais un cannibale. Tu mangerais du chien, tu mangerais des insectes. Si tu es sur le point de mourir, tout ce qui s'avale, qui se mâche, tu vas le manger. Pourquoi ? Parce que tu en as besoin. C'est vital. C'est l'instinct de survie là, qui parle à ce moment-là. C'est plus tes goûts. Donc, nous, on aura compris que nous avons encore plus besoin de l'islam que de nourriture pour notre sauvegarde. Croyez-moi qu'on s'accrochera quitte à souffrir ou à torturer, comme ce fut le cas des prophètes et des aouliers auparavant. Et on vous pose la question, qui est-ce qui aime la souffrance ? Ne sortez pas les sadomaso, je parle pas des gens, je parle des gens normaux. Qui aime la souffrance ? Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard fayujalu fihi fayujaa bil minshar fayud'u ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnatayn wa ma yasudduhu dhalika an dinihi wa yumshatu bil amshat al-hadid madun lahmihi min 'azm wa 'asab wa ma yasudduhu dhalika an dinihi. Il disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en donnant l'exemple des gens qui étaient avant nous, qui ont souffert pour leur religion. Qu'avant, on prenait une personne, on creusait un trou, on le mettait dans le trou, on venait avec une scie, et la scie, on la mettait sur sa tête, puis on lui sciait la tête jusqu'à la couper en deux parties. Cela ne le faisait pas abandonner sa religion. Pour la ilaha illallah, c'est pas seulement on te tue, on te torture avant de mourir, on te séquestre, d'une mort parmi les plus affreuses qui soient. Ou d'autres se faisaient peigner avec des peignes de fer qui leur arrachaient la peau entre le cuir chevelu et le crâne. Et pourtant, cela ne les dissuadait pas de lâcher leur religion. Donc, si la vie n'était que bien-être, repos, jouissance, bonheur, le djihad, il sert à quoi en fait ? Justement, Allah nous éprouve à travers sa religion afin de nous permettre d'obtenir mieux et de ne pas nous accrocher à cette dunya au point de vouloir nous y éterniser. Les croyants se distinguent des koufars par cette notion de la vie, pour qui elle est une prison. Al-dunya sijn al-mu'min. D'accord ? Pour finir, après, pour en être libéré. Il aura purgé sa peine en ce bas monde, pour aller dans la vraie libération. Alors que pour le kafir, elle est son jannah, car lui va purger sa peine après. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Que ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Donc, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. On va s'en poser deux ici. Deux, Inch'Allah. La première, c'est face aux promesses d'Allah Azzawajal. Que Allah il a promis le bien-être en ce bas monde pour Afwan, une bonne vie, excusez-moi. Une bonne vie. Pour qui suit la religion ? Dans sa parole où il dit « Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah wa najziyannahu ajrahum فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quiconque aura œuvré dans le bien, comme homme ou femme en étant croyant, nous le ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons encore mieux que ce qu'ils ont œuvré. Donc Allah a promis une bonne vie. D'accord ? Et dans le Coran, Allah a dit وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Et qui donc est plus fidèle qu'Allah à son engagement ? N'est-ce pas que la promesse d'Allah est véridique ? Cependant, la plupart ne savent pas. Des gens te disent, je rentre en religion, Mais j'ai pas trouvé cette belle vie. D'abord, on dit, on ne sait pas ce que veulent dire ces gens-là par « je suis rentré en religion » ou « j'ai essayé la religion ». D'abord, quelle était leur compréhension de la religion ? Faire des bonnes œuvres, ça commence par remplir les wajibat, obligations, et non faire des actes de charité ou humanitaire. Dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, un homme est venu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Araita izi salaitu al-maktubat, wa sumtu ramadan, wa ahlaltu al-halal, wa haramtu al-haram » Il a dit, vois-tu, si jamais je fais mes salawat, mes 5 obligatoires, je fais mon siyam de Ramadan, et que ce qui est halal, je me le permets, et ce qui est haram, je le délaisse. C'est important à préciser. Ce qui est halal, je me le permets, et ce qui est haram, je le délaisse. Et je ne rajoute rien à cela. Est-ce que j'entre au paradis ? Le Nabi Samuel a dit oui. Donc cet homme-là précise bien que ce qui est obligatoire, il va le faire. Et ce qui est interdit, il le délaisse. Dans le hadith d'Abu Huraira, Kursi, Yaqullah Azza wa Jal, Ma taqarraba abdi ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Que mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc ces gens-là, beaucoup de ceux qui parlent contre ce discours-là, sont déjà en fait, ils ne font pas ce qui est obligatoire. Plutôt à Fouen, ils font ce que Allah ne leur a pas imposé, mais délaissent ce qui leur est obligatoire de façon individuelle. Par exemple, tu vas voir des gens aller faire des actes humanitaires. Par exemple, ils vont travailler avec des associations, partir dans les pays du tiers-monde, donner à manger aux pauvres. Il dit, j'ai fait une bonne œuvre. Il dit, t'as fait salat ? Là, il bégaye. Il dit, pourquoi tu te rases ? Pourquoi, par exemple, tu te mélanges aux femmes ? Pourquoi ton vêtement traîne sous la cheville ? La falade. Pourquoi tu manges cette nourriture qui n'est pas halal ? Non, mais je fais des bonnes œuvres. Oui, mais avant de faire ces bonnes œuvres-là, tu as des choses à faire qui te concernent toi. Est-ce que tu les fais, ces choses-là ? Autant là, ils en font certaines, ils en délaissent d'autres. Mais il dit, je fais du bien autour de moi. On t'a dit à Wallen, tu fais du bien pour toi-même et pas autour de toi. Et en faisant du bien à toi-même, Inch'Allah, tu feras du bien autour de toi. De toute façon, ça va ensemble. Non, ils vont aller faire des choses qu'on ne leur a pas demandé et délaisser ce qui leur a été demandé. Et ils pensent qu'ils font du bien, en fait. Et donc, le verset, il dit bien « Min zakarin wa unsa wa huwa mu'min » comme homme ou femme qui est croyant. Et quand il fait des bonnes œuvres, donc en fait, c'est un croyant qui est mustaqim. Celui qui a cette bonne vie, c'est un croyant qui est mustaqim. Ça veut dire qu'il obéit, qu'il craint Allah Azzawajal. Donc, après, ces gens-là qui lâchent la religion pour des raisons futiles, comme celle citée auparavant, regarde-le, est-ce qu'il était croyant mustaqim. Déjà, regarde-le, c'est des choses que tu peux voir facilement. Ça se voit facilement. D'accord ? Et lui-même, on te dit, est-ce que tu étais croyant mustaqim ? Ce qui était haram, tu le délaissais. Ce qui était halal, tu le faisais. Ce qui était wajib, tu le faisais. Parle pas des mustahabbat, des makruhat, ce qui est détestable à commander. Non, je te parle de ce qui est wajib, est-ce que tu le faisais ? Et ce qui était haram, tu le délaissais. Pose-toi la question. Après, Allah, il dit, nous le ferons vivre une bonne vie. Donc maintenant, ça veut dire quoi ? Une bonne vie. Dans le taf, on doit venir, le Coran, on doit le comprendre comment ? Comme l'ont compris les salafs. Comme l'ont expliqué les ulama qui sont sur la voie des salafs. Donc entre autres, Ibn Kathir, Al-Baraoui. Dans son tafsir, par rapport à ces versets, il cita plusieurs paroles de Mufassirin, parmi les salafs. Il dit, Saïd ibn Jubayr et Atta, ils disent, cette bonne vie c'est quoi ? C'est le rizq halal. C'est la substance qui est halal. C'est-à-dire, tu manges halal. C'est la bonne vie. C'est-à-dire, tu es heureux forcément, tu te sens bien. Non, c'est le risque halal. Alhamdulillah. Al-Hassan, il a dit, c'est le qana'a. C'est la suffisance. Ce que tu as te suffit. T'es pas quelqu'un qui en veut trop dans la vie. Ce que tu as te suffit. D'accord ? Est-ce que c'est la vie de château ? Non. Qala muqatil ibn Hayyan, yani al-ish fi ta'a. C'est la vie dans l'obéissance, l'adoration. Encore explication. C'est la saveur de l'obéissance. C'est-à-dire que quand tu obéis, tu apprécies, tu aimes cela. Tu aimes obéir à Allah Azzawajal. Tu aimes ce qui est halal et tu n'aimes pas ce qui est haram. Donc on se compare encore par rapport à ces explications-là. C'est quoi la bonne vie ? Et les Mujahid et Qatada, ils disent c'est le Jannah. En fait, cette bonne vie, bah, tu l'auras après en fait. C'est le Jannah. Et c'était une parole de Auf an al-Husn, il s'appelle Husn, il a dit qala la tatibu al-hayat li ahad illa fil jannah, que la vie en fait en ce bas monde ne va correspondre à personne si ce n'est au Jannah. En fait, ce que tu cherches, ce bonheur que tu cherches, ce bien-être que tu cherches, dans ce bas-monde, tu ne vas pas le trouver. Ce que tu cherches, c'est au Jannah. En ce bas-monde, tu auras une partie, bien sûr, agréable, sans quoi ce serait insupportable. D'accord ? Et tu auras aussi un bien-être, mais pour que ce bien-être, tu le ressentes, tu le reconnaisses, tu en aies conscience, il faut que tu rentres dans le verset. Croyant, mustaqim. Et là, tu vas comprendre. Croyant, mustaqim, et surtout mukhlis. Là, tu vas te comprendre, en fait, c'est quoi ce bien-être. Donc, en fait, ces gens-là, cette belle vie qu'ils cherchent, bah, c'est la dunya, en fait. Son confort, sa parure. Donc, ça veut dire que leur sincérité à eux, dans ce qu'ils font, c'est entaché. D'où les fameuses, ou plutôt les fâcheuses conséquences qui en résultent. « Man kana yurid al-ajila, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam, yaslaha madhmuman madhura. » Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera, méprisé et repoussé. Donc en fait, ça c'est l'objectif mondain. Voici le résultat et la finalité. Puis la belle vie promise, elle s'obtient par l'ikhlas et un désir réel de l'au-delà. Parce qu'après, dans le même verset, ou plutôt dans le sud du verset, là, dans le Coran, il dit « وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَيْكَ كَنَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا » Et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, ça veut dire ils affrontent, ils vont de l'avant, en étant croyants. Donc maintenant, on a joué entre les deux versets de la bonne vie, quelle est-elle, et les croyants qui font des bons actes, qui sont-ils, quel est leur objectif, quelle est leur cible, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc on le répète, la bonne vie, ce n'est pas le fantasme ou le mirage ou la fantaisie qu'on nous a mis en tête à travers les films, les séries télévisées, les dessins animés, les romans, la musique, la poésie, et ce qui s'ensuit. Par exemple, tu cherches l'amour romantique, comme on te l'a inventé à travers le mariage, comme on te l'a montré quand tu l'as vu dans des films, des belles histoires d'amour, dans les chansons, ce que tu veux, tu vas passer ta vie à divorcer. Si jamais tu es un musulman, tu cherches cet amour-là, là, tu vas passer ta vie à divorcer. Car cet amour-là n'existe pas. D'accord ? La femme, elle dit, moi je veux l'homme idéal. Ou l'homme dit, je veux la femme idéale. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu veux une belle histoire d'amour. Tu veux par exemple l'histoire d'amour comme dans le... Excusez-moi l'exemple, comme dans Titanic. Hein ? Une belle histoire d'amour que beaucoup ils vont aimer. Mais le Titanic, la seule chose qu'il y a eu de vrai dans Titanic, c'est qu'il a coulé. Titanic, il a coulé avec des milliers de victimes à son bord. Voilà ce que tu retires de Titanic en vrai. C'est pas l'histoire d'amour avec l'autre là. C'est que le bateau, il s'est fendu, il a coulé. Ça, c'est vrai, ça. Ah, mais l'histoire d'amour qui a eu lieu là, on n'y croit pas. Retiens bien ça. C'est pour donner, on va dire, du piment au film. Mais l'histoire vraie, c'est... Excusez-moi. L'histoire vraie, c'est un bateau où les gens ont voulu défier même Allah en disant que ce bateau-là, même Allah ne peut pas le couler. Ils l'ont dit, hein. Bah, résultat, regardez ce qui lui arrive au bateau. Donc les gens que tu vois à travers l'écran sont des acteurs, hein, qui jouent un rôle. Dans la vraie vie, ils sont pas comme ça. La vraie vie, hein, que tu dois connaître, est celle des prophètes et de leurs suiveurs, telle que cela nous est parvenu par le biais du wahi, de la révélation. Les chanteurs qui te disent des belles paroles, qui te font rêver, sont que des beaux parleurs. Ce sont des belles paroles. Mais pourtant, c'est lesquelles les belles paroles ? Inna khayr al-hadith kalam Allah. La meilleure des paroles, c'est d'Allah, azawajal. Pareil, t'as les militants, ceux qui sont dans des combats, des engagés, les faux leaders, les faux héros. Ils t'appellent à de 20 combats avec de 20 moyens. Khayr al-huda, huda Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidées, celle de Mohamed. Faut que tu saches ça. C'est pas Malcolm X. C'est pas Nelson Mandela. C'est pas Che Guevara. C'est pas Gandhi. Ces gens-là, faut les mettre de côté. Quand je dis mettre de côté ceux qui étaient musulmans, Nasallahu alayhi wa sallam. Mais c'était pas eux ton exemple à suivre. T'es impressionné quand tu lis la vie de Malcolm X, mais quand on cite les Sahaba, ça te fait pas grand-chose. Il y a un problème. T'es impressionné quand on te parle de Nelson Mandela? Mais quand on te parle de d'autres prophètes ou dans le Coran tu lis, ça ne fait pas grand-chose. Il y a un problème, quelque part. Il y a un problème. Quand ton cœur, quand on dit ça, normalement, il faut que tu réagisses. D'accord ? Malcolm X, rahimahullah ta'ala, à la base, je le répète, Malcolm X, il ne faut pas l'appeler comme ça. Il faut l'appeler, Abdelmalik, ou Malik Afouen Chabaz. Malcolm X, c'était quand il était dans son égarement, dans son idée que la Black Nation, là, dans son faux islam, c'est là qu'il s'appelait Malcolm X. Mais en réalité, son nom de musulman, c'est Malik Chabaz. Donc l'homme à qui on doit faire hommage, c'est celui de la fin de sa vie quand il est mort sur la Tawba. C'est lui, donc il faut l'appeler Malik Chabaz. Malcolm X était une personne qui était égarée, qui était peut-être pire dans son islam qu'il était avant son islam. N'oublie jamais cela. Le vrai homme musulman qui mérite nos du'as et sur qui on peut donner un intérêt à sa vie ici, voilà, pour la culture, mais non pas en réalité comme modèle parce qu'on ne sait pas qui il était réellement, sur quel Akeda il est mort, mais on pense du bien de lui, c'est Malik Chabaz. Quand tu dis Malcolm X, tu es sur le personnage qui t'ont mis en avant dans le film, là, le militant noir qui se battait pour la cause des Noirs. Ça, c'est pas l'islam, ça. Sache tout de suite, c'est pas l'islam, ça. Et d'ailleurs, quand il a connu le vrai islam, bah, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Rahimahullah ta'ala. C'était une parenthèse qu'on est souvent amené à répéter. Et pareil, t'as la femme qui cherche l'homme idéal, par exemple. Bah, si elle est croyante, elle doit savoir que l'homme idéal, bah, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dit, ana khayrukum binisa'i. Non, khayrukum khayru binisa'i, ana khayrum binisa'i. Il a dit, le meilleur entre vous, celui qui est le meilleur avec ses femmes. Je suis celui qui se comporte le mieux avec ses femmes. Quand la ta'ala, la quand dekana lakum fi rasulillah, uswatun hasana, liman kana yarjullaha wal yawm al-akhir, wa zakarallaha kathira. Vous avez certes en le messager un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Donc aujourd'hui, quand certaines d'entre elles veulent se marier, elles demandent tout un CV pour le prétendant, de plusieurs pages. Quand on voit le profil, qu'est-ce qui est attendu? Ben, ça amène à beaucoup de choses, à part au mode de vie qu'avait le prophète Mohammed. Donc en fait, c'est comme si on disait, je veux Mohammed, mais je veux pas la vie de Mohammed. Ben, ça va pas l'ensemble. Parce que Mohammed, c'est sa vie qui a donné sa valeur à cet homme-là. Sa prophétie, son message, et la vie qu'il a eue, ce qu'il a enduré, ce qu'il a subi. Pareil, les hommes veulent des femmes, la femme idéale. Qui sache que ce sont les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui étaient les femmes idéales. Car Allah azawajal n'a choisi pour son prophète que ce qu'il y avait de meilleur. Ya Nisa al-Nabi, lestunna ka ahadin min Nisa. Ô vous les femmes du prophète, vous n'êtes comme aucune autre des femmes parmi les femmes. Donc maintenant on va dire, c'est quoi le discours modéré là-dedans? On sait, chacun reste à sa place. C'est qu'en fait, on doit demander à Allah azawajal la personne qui nous convient. En mesure de notre foi. Ça chercher l'homme idéal. Tu n'auras l'homme idéal, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne dis pas je veux la femme idéale. Les femmes idéales, c'était les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne les auras pas. Tu ne les mérites pas. Demande à Allah azawajal une femme à ton niveau qui t'aide à aller de l'avant. Ton but, c'est quoi? Qui te met justement, te permet d'avoir cette bonne vie qu'Allah t'a promise. C'est-à-dire un homme ou une femme croyant qui offre dans le bien. Demande ça. Une personne qui te convienne. Quand une personne qui a une foi trop forte, tu ne vas peut-être pas suivre et peut-être elle, tu vas la freiner. Demande quelqu'un à ton niveau, mais quelqu'un qui te permette d'avancer. D'accord? Avec qui tu évolues dans le bien. La femme avait un mari avec lequel elle évolue dans le bien. Et l'homme également. Et non pas l'amour intense et le romantique et le Titanic. Est-ce que tu vas couler? Demande ce qui te permet d'avoir cette bonne vie, c'est-à-dire la foi et les bonnes œuvres. À ton niveau, à toi, mais en avançant avec sincérité. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent de l'islam ce qu'ils pensent être avantageux et mettent de côté ce qui leur paraît comme étant préjudiciable dans leur dunya, dans leur façon de penser. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum adun mubin. Ô vous qui avez cru, rentrez pleinement, complètement, intégralement dans l'islam et ne suivez pas les pas de shaytan car il est pour vous un ennemi déclaré. Tu rentres pleinement en islam. Et on avait dit au début, wala tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Et donc, comme encore l'Éternel, afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Allez-vous donc croire en une partie du livre, mais croire en une autre? Ça, c'est le comportement des Bani Israël. Justement, et en plus à l'époque de Moussa, quand ils commencèrent à s'éparpiller et à s'éloigner de la religion, quand l'Éternel, wa idh nataqana al-jabal fawqahum kannahu dhulla وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et lorsque nous avons brandi au-dessus de eux le mont Allah Azawajel a mis la montagne au-dessus d'eux, comme si c'était une ombrelle. Ils pensaient qu'elle allait tomber sur eux. C'est-à-dire, accrochez-vous avec force à ce que vous nous donnons et rappelez-vous de son contenu, afin que vous puissiez craindre. C'est-à-dire qu'Allah Azawajel les a forcés à accepter la Torah, quitte à ce qu'ils se fassent écraser par une montagne. Prenez complètement la Torah. Et ce jugement pour eux, il est valable pour nous. Dans le Coran, elle a la cité, c'est pour nous en guide d'exemple. De prendre le dîme avec force et autant que possible. Autant que possible. Et Allah donc nous dit de saisir la religion avec force et nous on la prend juste avec le bout des doigts là. Vous savez qu'on prend le truc avec deux doigts là, l'index et le pouce. Comme si on veut goûter, on veut tester pour être sûr que c'est convenable. Tu vois. Comme si on craignait de se faire avoir. Donc on répète, la bonne vie, c'est celle des prophètes. Pas celle des héros dans les films ou des romans ou celle des influenceurs qui étalent leur prétendue richesse et vie privée. Ce ne sont que des acteurs qui jouent un rôle pour gagner de l'argent. Ils n'en ont rien, mais rien à faire de vous. Strictement, rien à faire de vous. La bonne vie, c'est celle qu'ont vécu les prophètes. Il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait mis sa vie en jeu pour sauver la religion, sans qu'il n'ait eu de rudes ennemis voulant mettre fin à leur vie. C'est de cette façon que nous avons attribué à chaque prophète un ennemi. Un ennemi parmi les shayatines, des hommes et des djinns. Certains ont été tués pour de vrai par leur propre peuple, comme ce fut le cas de Yahya ou de Zakaria. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Anni anzur lil nabi min al anbiya darabahu qawmuhu wa admuhu wa yamsah ad-dam an wajhihi wa yaqul ya rabbi ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Il a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si je voyais un prophète parmi les prophètes qui était frappé par son peuple, chassé par son peuple, ils l'ont fait saigner, et que lui, en s'essuyant le sang du visage, il dit « Oh mon Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Issa a été victime de tentatives de meurtre par les Bani Israël, comme vous le savez. Est-ce qu'il n'a pas eu une bonne vie ? Youssouf a été vendu par ses frères et jeté dans un puits par jalousie. Il était mis en prison pour ne pas forniquer avec la femme de son maître. Il n'a pas eu une bonne vie ? Ayoub a.s. a été malade pendant des années. Et a été pauvre à tel point que tout le monde l'a abandonné. Toute sa famille à part sa femme. N'a-t-il pas eu une bonne vie ? Younous, alayhi salam, a été refusé par son peuple, a dû se jeter dans la mer en furie dans la nuit et être avalé par une baleine. Il n'a pas eu une bonne vie ? Ibrahim, alayhi salam, a été renié par son père et menacé d'être lapidé. Il a été jeté au feu par son peuple. Il a laissé sa femme seule avec son fils Ismaïl en plein désert, sans ne le revoir jusqu'à sa maturité ou sa puberté. Il n'a même pas pu revoir la mère d'Ismaïl, elle est morte. Il a failli égorger son fils Ismaïl, qui était son fils unique à l'époque. Il n'a pas eu une bonne vie. Nuh, alayhi salam, a été rejeté par la terre entière et menacé d'être lapidé. Il a été trahi par son fils qui n'a pas voulu suivre. Et sa femme également l'a trahi. Il a vécu le déluge, la terre entière a été sous le déluge des eaux. Sans voir la terre, je ne sais pas combien de temps. N'a-t-il pas eu une bonne vie ? Asiya, la femme de Pharaon, qui était mariée au plus puissant des hommes de son époque, parmi même les plus puissants des hommes qu'il y a eu sur Terre, dans toute l'humanité. Elle aurait pu avoir tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle voulait, et pourtant, elle a été tuée écrasée sous un rocher, par son époux, par refus de lui reconnaître Ar-Rububiyya, la seigneurie. Pourquoi ? Pour sa foi en Allah Azawajal, pour la ilaha illallah. Elle n'a pas eu une bonne vie ? Je ne sais pas si les gens réalisent ce qu'ils disent parfois. Allah. Vous savez, l'une des causes qui détourne les gens, c'est que depuis l'enfance, on a une éducation chez les koufars, ou même par des musulmans qui étaient ignorants, tout fait pour nous faire devancer les sentiments, impressions et émotions et plaisirs. Car le jour où le haq il te parvient, tu ne vas pas l'accepter. Ou alors tu vas l'accepter partiellement. Depuis ton enfance, dans tout ton cursus scolaire, tout est coloré, animé. Aucune notion de relation créateur-créature. Musique, jeux, loisirs, liberté, revendication des droits, et je ne sais quel autre faux principe. Comme ça, le jour où la religion parvient, elle est laide à tes yeux. Elle est ennuyeuse, elle est morose, elle est repoussante. Et quand bien même tu veux rentrer dedans, tu vas vouloir la changer, car elle ne va pas convenir à ce que tu as toujours connu depuis petit. C'est sur quoi tu as évolué. En réalité, c'était pas une évolution. Tu es comme quelqu'un, en fait, qui a toujours été allaité à l'alcool, dans le sein de sa mère, hydraté à l'alcool, une vie dans l'ivresse. Puis d'un seul coup, l'islam vient pour te sevrer à l'eau. Du jour au lendemain, c'est de l'eau. Non seulement ça risque de ne pas avoir de goût pour toi, et en plus, bah c'est fini, tu seras sobre. Il n'y a plus cette... voilà. Pourquoi, en fait, les gens, ils veulent être ivres. Ils se noient dans l'alcool, dans les drogues. C'est pour oublier la réalité, en fait, de la vie, qui leur paraît morose, ennuyante. D'accord ? C'est pour ça que les gens ils vont faire ce genre de choses. Pour perdre la raison, oublier ce qui se passe concrètement dans le monde. Et bien, les gens, ils vivent là-dedans. Une autre forme d'ivresse. Et l'islam vient pour te réveiller et pour te rendre la raison. C'est pas tout le monde qui accepte. On te met des faux héros, des faux modèles devant les yeux qui sont à l'antipode des prophètes, notamment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis petit temps, les dessins animés qu'on te met, il n'y a que du shirk. Regardez bien, vous qui avez un certain âge, tous vos dessins animés que vous avez regardés petits, il y a tout le temps du shirk dedans. Que ça aille des Dragon Ball Z, des Pokémon, des Walt Disney, il y a tout le temps du shirk. C'est-à-dire que le pire des choses, vous avez été embelli, vous avez été normalisé. Même dans les films, les plus grands films, science-fiction, tout ça, toujours de la magie, des fées, des mages, des sorciers, des... Comme ça, le jour où on parle du shirk. Donc les gens, ils en arrivent à délaisser le Coran et la Sunna pour s'éduquer, vont chercher des coachs et payer des gens pour apprendre à vivre. Un coach va t'apprendre comment vivre. Il va t'apprendre comment te marier. Il va t'apprendre comment éduquer tes enfants. Subhanallah. Tu veux vivre ? Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle pour ce qu'il vous fera vivre. Ça veut dire que c'est l'islam qui va te faire vivre. Et sachez que Allah azawajal peut faire rempart entre l'homme et son cœur, que c'est vers lui que vous reviendrez. On a déjà dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, c'est lui qui aura réussi d'une grande réussite. C'est pas celui qui est devenu milliardaire, millionnaire. C'est pas ça la réussite. C'est celui qui aura obéi à Allah et à son messager. Combien même tu es le pire des clochards. Qu'Allah t'en préserve. Et que tu obéis à Allah, son messager, malgré ta pauvreté, t'as réussi. Et bien demain, tu es l'homme parmi les plus riches qu'il soit et tu désobéis à Allah et son messager, tu as perdu. Sache-le. Tu as perdu. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurannakum al-hayat ad-dunya wa la yaghurannakum billahi al-ghurur. Inna ash-shaytana lakum aduwwun, fattakhidhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Allazina kafaru lahum 'adhabun shadid wallazina amanu wa 'amilu as-salihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dans le sens où Allah dit, ô vous les hommes, sachez que la promesse d'Allah elle est véridique. Et que ne laissez pas la vie présente vous tromper. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et ne laissez pas le grand trompeur, c'est-à-dire Shaitan, vous duper à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Shaitan est votre ennemi, donc prenez-le comme un ennemi. Et il ne fait que appeler son parti, c'est-à-dire ceux qui le suivent, pour qu'il soit parmi les gens de l'enfer, de la fournaise. Tout ce que tu vois là, qui te plaît, qui t'attire, et t'es loin de l'islam, c'est pour t'amener vers cette mauvaise vie. La mauvaise vie, celle de la fin. Ceux qui ont mécru auront un châtiment douloureux, alors que ceux qui ont cru et ont vrai dans le bien, ils auront un pardon et une grande récompense. Voilà, c'est tout ça, il suffit d'une chose, de prendre le mushaf, de l'ouvrir à cœur ouvert. C'est pas dans Instagram, c'est pas dans Twitter, c'est pas dans YouTube, c'est pas sur TF1, c'est pas sur C8, c'est pas sur... Non, c'est dans le Mushaf. Mushaf, et le Mushaf, alhamdoulilah, a une traduction suffisante pour nous permettre de comprendre cela. Également dans les kutub des hadiths. Pas dans les romans policiers. Pas dans les romans d'amour. Pas dans les contes de fées. Pas dans les histoires de super-héros. Pas dans la vie, la biographie de je ne sais qui comme personne qui ne fait pas une référence. C'est dans la sunna qui t'explique les dires du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans les kutub qui t'expliquent la vie des salafs, qui ils étaient, comment ils ont vécu. C'est ça la vraie vie. C'est ça la référence. Et quand tu auras compris ça, que tu auras appris ça, tu remets ça devant toi, tu comprendras c'est quoi la vie. Et là, ça changera pour toi. Bismillah ta'ala. Mais si tu prends pas ça devant toi comme référence, t'es perdu. Tu es perdu. Tu vas tourner en rond. Comme un manège. La belle vie, la belle vie, la belle vie. Alors tu auras une sale vie. وكما قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah que la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Allah est parfaitement audient et clairvoyant. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن وأن يرينا أن يرينا الحق حقا والباطل باطلا وأن يوفقنا وأن يحفظنا يثبتنا يميتنا على الإسلام والتوحيد والسنة. نكتفي بهذا القدر. فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.